1. Seul. Seul. 2. Peur. Père. 3. Serre. Serre. 4. L'air. L'heure. 5. Meurs. Meurs. 6. Cœur. Cœur. 7. Mêle. Mêle. 8. 9. Nef.